Ami, n'accable point un malheureux qui t'aime. T'ai-je jamais caché mon cœur et mes désirs? Tu vis naître ma flamme et mes premiers soupirs. Enfin, quand Ménélas disposa de sa fille en faveur de Pyrrhus, vengeur de sa famille, tu vis mon désespoir, et tu m'as vu depuis traîner de mers en mer ma chaîne et mes ennuis. Je te vis à regret, en cet état funeste, prêt à suivre partout le déplorable reste, toujours de ma fureur interrompre le cours, et de moi-même enfin me sauver tous les jours. Mais quand je me souvins que parmi tant d'alarmes, Hermione à Pyrrhus prodiguait tous ses charmes, tu sais de quel courroux mon cœur, alors épris, voulut en l'oubliant punir tous ses mépris. Je fis croire, et je crus, ma victoire certaine. Je pris tous mes transports pour des transports de haine. Détestant ses rigueurs, rabaissant ses attraits, je défiais ses yeux de me troubler jamais. Voilà comme je crus étouffer ma tendresse. En ce calme trompeur, j'arrivai dans la Grèce, et je trouvai d'abord ces princes rassemblés qu'un péril assez grand semblait avoir troublé. J'y courus. Je pensai que la guerre et la gloire, de soins plus importants, rempliraient ma mémoire, que mes sens, reprenant leur première vigueur, l'amour achèverait de sortir de mon cœur. Mais admire avec moi le sort dans la poursuite et me fait courir alors au piège que j'évite. J'entends de tous côtés qu'on menace Pyrrhus. Toute la Grèce éclate en murmures confus. On se plaint qu'oubliant son sang et sa promesse, il élève en sa cour l'ennemi de la Grèce. Astyanax, d'Hector jeune et malheureux fils, reste de tant de rois sous Troie enseveli. J'apprends que pour ravir son enfance au supplice, Andromaque trompa l'ingénieux Ulysse, tandis que notre enfant, arraché de ses bras, sous le nom de son fils, fut conduit au trépas. On dit que peu sensible au charme d'Hermione, mon rival porte ailleurs son cœur et sa couronne. Ménélas, sans le croire, en paraît affligé, et se plaint d'un hymen si longtemps négligé. Parmi les déplaisirs où son âme se noie, il s'élève en la mienne une secrète joie. Je triomphe. Et pourtant, je me flatte d'abord que la seule vengeance excite ce transport. Mais l'ingrate en mon cœur reprit bientôt sa place. De mes feux mal éteints, je reconnus la trace. Je sentis que ma haine allait finir son cours, ou plutôt, je sentis que je l'aimais toujours. Ainsi, de tous les Grecs, je brigue le suffrage. On m'envoie à Pyrrhus. J'entreprends ce voyage. Je viens voir si l'on peut arracher de ses bras cet enfant dont la vie alarme tant d'états. Heureux si je pouvais, dans l'ardeur qui me presse, au lieu d'Astyanax, lui ravir ma princesse. Car enfin, n'attends pas que mes feux redoublés, des périls les plus grands, puissent être troublés. Puisqu'elle prétendait fort ma résistance est vaine, je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne. J'aime. Je viens chercher Hermione en ces lieux, la fléchir, l'enlever, ou mourir à ses yeux. Toi qui connais Pyrrhus, que penses-tu qu'il fasse? Dans sa cour, dans son cœur, dis-moi ce qui se passe. Mon Hermione encore le tient-elle asservie? Me rendra-t-il, Pylade, un bien qu'il m'a ravi? Pylade, je vous abuserais si j'osais vous promettre qu'entre vos mains, Seigneur, il voulut la remettre. Non que de sa conquête il paraisse flatté. Pour la veuve d'Hector, ses feux ont éclaté. Il l'aime. Mais enfin, cette veuve inhumaine n'a payé jusqu'ici son amour que de haine. Et chaque jour encore, on lui voit tout tenter pour fléchir sa captive ou pour l'épouvanter. De son fils, qu'il lui cache, il menace à la tête et fait couler des pleurs qu'aussitôt il arrête. Hermione elle-même a vu plus de 100 fois cet amant irrité revenir sous ses lois et de ses vœux troublés lui rapportant l'hommage soupirer à ses pieds moins d'amour que de rage. Ainsi, n'attendez pas que l'on puisse aujourd'hui vous répondre d'un cœur si peu maître de lui. Il peut, Seigneur, il peut, dans ce désordre extrême, épouser ce qu'il est et punir ce qu'il aime.